L'évasion de Camo, épisode 1. La bécane héroïque. Pas question que je monte là-dessus, déclara Camo. Il tenait la bicyclette à distance du bout des doigts avec une moue de dégoût comme si elle eût été enduite de confiture. Ah non ? Et pourquoi ? Camo me jeta un bref coup d'œil, hésita une seconde et répondit « Parce que tu ne sais pas monter à bicyclette ?» Là, il eut un sourire méprisant. « Il y a des tas de choses que je ne sais pas faire. Je ne connaissais pas un mot d'anglais l'année dernière, tu te rappelles ? J'ai appris en 3 mois. Alors le vélo... »« Eh bien justement, tu vas apprendre en 2 heures. »« Non, je n'apprendrai pas. »« Pourquoi ? Ça me regarde. » Patience. Je connaissais mon Camo. Ce n'était pas le moment de l'énerver. Camo, Pop a réparé cette bécane spécialement pour toi. Il fronça les sourcils. Je suis désolée. Une bécane historique, Camo. Elle a fait la résistance. Elle a même échappé à une embuscade des Allemands. Tiens, regarde. Un genou à terre, je lui montrai les 2 impacts de balles. L'une avait perforé le cadre, juste entre le mollet et la cuisse de grand-père qui n'avait jamais pédalé aussi vite de sa vie. L'autre avait troué le garde-boue arrière. Grand-père était passé. Pop, mon père, n'avait pas voulu réparer les dégâts. Il pensait que ces traces héroïques plairaient à Camo. Je suis désolée pour ton père, vraiment. Mais je ne monterai pas sur cette bicyclette. Tu préfères la mienne ? Oui, c'était peut-être plus facile pour un débutant, la mienne. La mienne, toute neuve, légère comme une gazelle, 36 000 braqués. Tu préfères la mienne, c'est ça ? Ni la tienne, ni aucune autre. Je ne monterai jamais sur un vélo, c'est tout. Tu as fait un vœu ou quoi ? Il y a plus 1 milliard de Chinois qui font du vélo. Alors pourquoi pas toi ? Tu veux te distinguer une fois de plus ? Et voilà, je commençais à m'énerver. Pop, mon père, avait passé des heures à remettre à neuf la bicyclette en question, spécialement pour Camo. Une splendide machine tchécoslovaque d'avant-guerre, avec des freins à tiges et des garde-boues chromés comme des pare-chocs de Buick. Une vraie merveille. Le plus calmement possible, j'expliquais. Camo, ici, dans le Vercors, au printemps, Pop, Moon et moi, notre seule distraction, ce sont les balades à vélo, tu comprends ? On passe des journées entières dehors, on pique-nique. C'est l'activité familiale, depuis que je suis tout petit, et j'aime ça. Écoute-toi, je ne suis plus un gamin et je ne suis pas en train de faire un caprice. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais jamais de ma vie je ne monterai sur un vélo, c'est tout. Et je ne veux déranger personne. Allez vous balader, comme d'habitude, tous les 3, je vous attendrai ici et je vous ferai la bouffe pour le soir. Il eut tout de même un sourire. Ne t'inquiète pas, tu me connais, je ne m'ennuie jamais. C'est bien ainsi que les choses se passèrent, du moins la première semaine. Pop, mon père, Moon, ma mère et moi, le môme, eux sur leur tandem, moi sur ma bécane, on se faisait les monts, on se faisait les vallons, on se dénichait les petites sources moussues de nos vacances et on rentrait le soir à la maison, fourbus, moulus comme ceux de la ville quand ils retrouvent la montagne. La maison sentait le gratin dauphinois, la maison sentait le potage à l'oseille, la maison sentait le poulet aux écrevisses, la maison sentait la cuisine de Camo. « Ce gosse-là, c'est un vrai cordon bleu !» disait Pop. « Aucun mérite !» répondait Camo. « Mon père était cuistot dans sa jeunesse. » Parfois, la maison sentait aussi le plâtre frais ou la peinture. « J'ai attaqué le grenier aujourd'hui !» annonçait Camo. « Il partait par la toiture. » « Ton père était aussi dans le bâtiment ?» demandait Pop. « Mon père savait tout faire. » Son père était mort quelques années plus tôt. Mort à l'hôpital, après avoir lâché une dernière plaisanterie. « Même ça, il a su faire. » murmurait Camo. « Mourir, il a su. » Petite belote après le dîner, ou Scrabble, Pop perdait beaucoup et Moon gagnait souvent. Et nous ne nous retrouvions vraiment, Camo et moi, qu'une fois la maison devenue silencieuse, nuit tombée dans notre chambre. Les polochons s'envolaient aussitôt. Camo avait le muscle pour lui, mais j'étais rapide. L'essentiel dans la bataille de polochons, c'est l'esquive. Attirer l'autre comme si on était une proie facile, esquiver et frapper en contre. La tête de Camo résonnait comme un tambour et vibrait comme un sac de punching ball. Il titubait sur des genoux devenus liquides, mais au moment où, polochon brandi, je m'apprêtais à l'achever, il se détendait comme un ressort, son arme de plume me cueillait au menton et m'envoyait valdinguer à l'autre bout de la chambre. Nous assommer mutuellement, c'était notre façon de nous endormir. Nous parlions aussi. Il n'y a rien de mieux que de parler quand les lumières sont éteintes. Un soir, un des tout premiers soirs de ses vacances, la voix de Camo s'éleva dans la nuit de la chambre. « Elle n'aurait pas dû me faire ça, » dit-il. « Qui ça, elle ? Et lui faire quoi ?» Comme s'il avait deviné mes questions, Camo précisa. « Ma mère, elle n'aurait pas dû y aller sans moi. » « Ah oui, c'était pour cela qu'il passait ses vacances de Pâques avec nous. Sa mère avait entrepris un voyage immense. » La Grèce d'abord, tous les Balkans et la Russie ensuite, à la recherche de ses ancêtres. Il faut que je retrouve mes sources. C'était ce qu'elle avait expliqué à son fils, et elle avait confié Camo à mes parents, pour quelques mois. Ses sources, comme elle dit, ce sont aussi mes racines, non ? Elle aurait pu m'emmener. La mère de Camo venait de partout. De Grèce par sa grand-mère, de Géorgie par son grand-père, d'Allemagne par son père. Un coiffeur juif qui avait épousé la fille du Géorgien et de la Grecque et qui, dans les années 30, avait dû fuir les persécutions du dingue à moustache gammée, comme disait Camo. Issue de tant d'horizons, elle-même naturalisée française, la mère de Camo parlait quantité de langues mais ne se sentait vraiment de nulle part. Ou plutôt, comme l'expliquait Camo, elle changeait de nationalité comme on change d'humeur, au moindre coup de vent et avec sincérité. Sans blague, elle s'endort française et elle se réveille russe. Résultat, lorsqu'elle se sentait un peu trop allemande, un peu trop juive, un peu trop grecque, la mère de Camo partait en quête de ses ancêtres dans un de ses innombrables pays d'origine. Si le voyage était bref et s'il coïncidait avec une période de vacances, elle emmenait Camo. Sinon, elle le laissait derrière elle, furieux. Son grand-père russe, sa grand-mère grecque, après tout, ce sont mes arrière-grands-parents. Il y a l'école, Camo, et elle est partie pour 3 mois. Au cul l'école, et les Balkans, et la Russie, c'est pas une belle école ça ? Bref, ainsi allaient les choses. Pop, Moon et moi sur nos machines à deux roues, Camo jouant les cuistots à la maison. Tout de même, cette histoire de bécane me tracassait. Aussi loin que je me souvenais, on se connaissait depuis la crèche Camo et moi, Camo n'avait jamais eu peur de rien. Était-il possible qu'il eût la trouille de grimper sur une bicyclette ? Ça s'appelle une phobie, m'expliqua Pop. Une phobie ? Une phobie, une peur irraisonnée. Un type est capable de tout, il peut entrer tout nu dans la cage au lion, grimper l'Everest sur les mains, discuter une nuit entière avec le fantôme de son percepteur, mais tu lui montres une minuscule araignée et il tombe dans les pommes. Voilà, c'est ça une phobie. Ton Camo a la phobie du vélo, c'est tout. Et toi, Pop, tu as des phobies ? Jamais eu la moindre phobie, moi. Super Pop. Super menteur, oui. Intervint Moon en riant. Pop avait la phobie de Crastin, ton prof de français, quand tu étais en 6e, tu te souviens ? Vers la fin de la première semaine, je fus réveillée en pleine nuit par un de ces coups de tonnerre qui font rentrer les chiens sous terre. Les volets clos de ma chambre se découpaient sur des lueurs de flash. La maison était au cœur d'un orage. À côté du mien, le lit de Camo était vide. J'ai d'abord pensé qu'il était allé boire un coup à la cuisine et je me suis rendormie. Mais quand je me suis réveillée pour la seconde fois, Camo n'était pas revenu. Inquiétude, robe de chambre et charentaise. L'orage nous secouait toujours. En descendant l'escalier de bois, j'eus la sensation de pénétrer dans une grosse caisse sur laquelle s'acharnait un dingue de la batterie. Pas de Camo à la cuisine. Ni nulle part ailleurs dans la maison qui s'allumait et s'éteignait au rythme du batteur fou. Et j'ai ouvert la porte d'entrée. Douché, trempé de la tête aux pieds en une seconde. Camo, salaud ! J'ai foncé devant moi, aveuglé, poing tendu, persuadé qu'il m'avait fait le coup de l'embuscade au seau d'eau. Mais ce n'était pas Camo. C'était la pluie. Une pluie drue et glaciale, jetée en paquets contre la maison par un vent à défoncer les murs. J'étais donc là, bras ballants dans l'orage, dégoûtant comme une serpillière, quand je le vis. De l'autre côté de la cour, sous le hangar à bois, Camo était accroupi, semblable dans son immobilité à la vieille souche sur laquelle Pop fendait les bûches. Les éclairs le découpaient dans la nuit. Et, devant Camo, à chaque explosion de lumière, luisaient les garde-boue de la bicyclette tchécoslovaque. Camo ! Il se retourna, son visage ruisselé. On aurait pu croire que c'était des larmes. Viens, tu vas attraper la crève ! Il ne fit aucune difficulté à me suivre dans la salle de bain où nous nous séchâmes avant de nous recoucher. Maintenant, nous nous taisions. Camo regardait le plafond de la chambre avec la même fixité que, tout à l'heure, la bicyclette. Je finis par murmurer. « Elle te flanque une sacrée peur, hein ?» Il ne répondit pas, d'abord. Il laissa même passer un bon moment. Puis il dit. « Non. » L'orage s'était éloigné. Clair de lune, la maison s'illuminait en silence. Non, elle me flanque une peur sacrée. Ce n'est pas pareil. Nouveau silence. Puis. Elle est triste, tu ne trouves pas ? Non, je ne trouvais pas. Je ne voyais pas comment une bicyclette pouvait être triste. Camo dit encore. Elle est triste comme un amour perdu. Quand je me décidai enfin à lui demander ce qu'il voulait dire, il était trop tard. Camo s'était endormi. Et tous les orages du monde n'auraient pu le réveiller. Camo et Mélissi. Le miracle se produisit vers la fin de nos vacances. Enfin, le miracle, disons l'événement le plus inattendu de cette partie du monde. Pop, Moon et moi pique-niquions dans la vallée de l'Ossance. Ce n'était pas très loin de la maison. Camo, s'il le voulait, pourrait nous y rejoindre à pied. Si j'ai le temps, je dois enduire le grenier. Quand tu auras fini avec le grenier, avait dit Pop en riant, « Descends donc à la cave, j'y ai repéré des fissures. Et quand t'auras retapé toute la maison, attaque-toi au monde. Il a bien besoin d'être construit, lui aussi. » Mon arrière-grand-père, le russe, a déjà essayé de le reconstruire une fois, répondit Camo très sérieusement. Et il ajouta, « Ça n'a pas trop bien marché, d'ailleurs. » Plus tard, en mastiquant d'un air pensif, Pop avait lâché, « Il est inouï, ce garçon. Il sait vraiment tout faire. » C'est depuis qu'il vit seul avec sa mère, expliqua Moon. Bref, c'était la fin du déjeuner et nous étions là, sur l'herbe jeune, à bavarder dans l'admiration de Camo. Pop avait ouvert la bouteille thermos et le parfum de notre café était en train de s'emparer du Vercors quand Moon s'écria « Regardez !» Nos regards suivirent son doigt tendu, au bout duquel, là-bas, un cycliste était sorti de la route pour dévaler vers nous à travers champs. Il godillait entre les rochers, sautait les bosses comme un cheval de rodéo. Les garde-boue de sa bicyclette lançaient des messages chaque fois qu'il captait le soleil. « Nom de nom !» murmura Pop. « Il va se... » Mais la bicyclette retombait toujours d'aplomb sur l'herbe, zigzagant, s'envolant de nouveau, atterrissant encore. Tout cela dans le grincement des ressorts, les gémissements de la selle, les tintements de la sonnette et les hurlements de Camo qui, dès qu'il fut assez près, se mit à crier. « Elle a téléphoné ! Elle a téléphoné !» Ce vélo noir à crinière éclatante, c'était vraiment le Mustang fou cherchant à expédier son cow-boy sur la lune. Attention ! Cria Pop en se dressant de toute sa taille. Freine ! Et Pop se mit à gesticuler comme un de ces types à casquette phosphorescente sur les porte-avions quand le zinc donne l'impression qu'il va tomber dans la flotte. Arrête-toi ! Moon et moi battions l'air tout comme Pop. Camo devait prendre ça pour des applaudissements parce qu'au lieu de ralentir, il lâcha le guidon et au plus fort de sa vitesse fit les gestes du vainqueur devant la foule en délire. La bicyclette tchécoslovaque s'envola une dernière fois. Au lieu de retomber sur le sol, elle plongea dans les barrières de barbelés que nous avions tous vues, mais que la dernière butte d'herbe folle avait cachées au regard de Camo. Et Camo continua sans sa monture, bras écartés dans l'espace, comme quelqu'un qui aurait enfin découvert le truc des oiseaux. Seulement, ce n'était pas exactement un oiseau. C'était un adolescent plutôt râblé qui pesait déjà un bon poids et qui vint s'écraser lourdement sur les restes de notre pique-nique. Cris, précipitation, trois têtes penchées, six mains tendues, mais l'autre qui ouvre les yeux et répète dans un sourire béat « Elle a téléphoné. » Sa mère l'avait appelé de Gori, province de Tiflis, Géorgie, ex-URSS. J'étais là-haut en train de repeindre la lucarne du grenier et je me suis dit qu'il était temps d'aller préparer le civet pour ce soir. Bon, je descends à la cuisine et qu'est-ce que je vois collé à la porte pendant que je dépiote mon lapin ? Un avis de la poste. Avis d'appel téléphonique. À mon nom. Je regarde l'heure, 13h45. Le lieu, poste de la chapelle en Vercors. Il me restait tout juste 10 minutes. Impossible d'y aller à pied. Je n'y serais jamais arrivée à l'heure. Ma première idée, ça a été d'emprunter la bagnole de ton père. Pédale, changement de vitesse, volant, ça doit pas être bien sorcier. Mais j'ai pas trouvé les clés du premier coup d'œil. Et je n'avais pas le temps de chercher. C'est alors que j'ai pensé à la bicyclette. Je lui ai littéralement sauté dessus. Elle ne me faisait plus peur, tu peux le croire. Ma parole, ma mère m'appelait du bout du monde, ce n'était pas une vulgaire bécane qui allait m'empêcher de répondre à l'appel. Pendant que je pédalais vers la poste de la chapelle, j'ai repensé à une histoire que nous avait racontée le grand Lantier l'année dernière. Tu sais l'histoire de cet oncle à lui, il a toujours un tas d'oncles, de cousins ou de copains de cousins à lui qui ont fait des trucs extraordinaires, le grand Lantier. Bref, l'histoire de cet oncle à lui qui cherchait des papillons rarissimes dans la forêt amazonienne. Et tac ! Voilà que l'oncle se fait piquer par un serpent. Une de ces saloperies hyper venimeuses qui vous expédie un type en moins d'une minute. L'oncle se précipite sur sa trousse de secours, sort le sérum anti-venin qu'il trimballait toujours avec lui et se rue sur le mode d'emploi. Manque de peau, la notice était écrite en portugais et le pauvre oncle ne parlait pas un mot de portugais. Mais alors, miracle, affirme le grand dentier, l'oncle comprend ce qui est écrit devant ses yeux brûlants de fièvre, comme si toutes les flammes de la Pentecôte lui étaient tombées d'un seul coup sur la tête. Et il se fait la piqûre et il est sauvé. Et aujourd'hui encore, conclut le grand dentier, l'oncle parle couramment le portugais comme si c'était sa langue maternelle. Nous nous sommes bien foutus de lui quand il nous a raconté ça, tu te rappelles? Eh ben, on a eu tort. Voilà ce que je me suis dit en fonçant vers la chapelle sur cette bicyclette, parce que c'était exactement comme si j'avais pédalé toute ma vie. Oui, la mère de Camo avait appelé de Gori, province de Tiflis. C'est là qu'il est né son grand-père, à Gori. C'est-à-dire ton arrière-grand-père à toi? Oui, mon arrière-grand-père. Il s'appelait Semyon Archakovitch Terpetrosian. Silence dans notre chambre. Mais on l'appelait autrement, dit Camo. C'était la bonne heure de la nuit, l'heure des confidences qui n'en finissent pas. On l'appelait Camo. Camo, comme toi? Comme moi. Et ton arrière-grand-mère? La grecque? Elle s'appelait Mélissie. C'est joli. Mélissie, elle était chanteuse. Camo l'avait rencontrée à Athènes en 1912. Tu l'as connue? Non, mais j'ai connu sa fille, ma grand-mère. Elle m'a raconté beaucoup de choses à propos de Camo, l'autre, le vrai. Il se bagarrait contre les Cosaques. Il s'évadait de toutes les prisons. Une sorte de Cartouche, de Mandrin ou de Robin des Bois, si tu préfères. Comment se fait-il qu'on t'ait donné son nom? Un souhait de l'arrière-grand-mère, Mélissie. Elle voulait que le premier garçon de sa descendance s'appelle Camo, comme son Camo à elle. Ils s'étaient beaucoup aimés. Et le premier garçon, c'était toi? Oui, Mélissie a mis une fille au monde, ma grand-mère. Ma grand-mère a fabriqué ma mère avec son mari l'Allemand, et ma mère m'a fabriqué moi. J'étais le premier garçon depuis l'autre Camo, depuis 1912. Camo, ça veut dire quelque chose comme nom? Ça veut dire fleur en géorgien. Et Mélissie en grec, tu sais ce que ça veut dire? C'est ça le plus beau, ça veut dire l'abeille. Silence. Puis la voix de Camo murmurant dans un sourire. Mélissie et Camo, les amours de l'abeille et de la fleur. La bicyclette tchécoslovaque avait vaillamment tenu le coup. Seul le nez de Camo s'était un peu aplati. Fini le grenier, fini la cuisine, il nous suivait partout à présent. Il était de toutes nos promenades. Et qu'est-ce qu'on va manger? Disait Pop. Et qui va repeindre la maison, cirer le parquet, retourner le potager, laver le linge, repriser nos chaussettes? Moon riait dans le vent. Tais-toi, Thénardier, et pédale! Ce que Camo faisait faire à sa bicyclette, incroyable. Il n'aurait pas été plus à l'aise s'il avait fait du vélo toute sa vie. Mieux, ce vieux clou tchécoslovaque, lourd et grinçant, à l'énorme phare et au garde-boue rutilant comme une bagnole d'avant-guerre, devenait vraiment un fauve apprivoisé entre les mains de Camo. À chaque accélération, il nous laissait sur place, moi et mon vélo de race, profilé comme une lame de rasoir. Oui, il me doublait à toute allure, puis le premier virage passé, il s'arrêtait pile, faisait demi-tour en se cabrant sur sa roue arrière et me croisait alors que j'étais en train de le poursuivre. Pas possible, il devait y avoir un moteur à réaction planqué quelque part sous ce tas de ferraille. Camo, on échange! Il me prêtait volontiers son bolide, mais à peine l'avais-je enfourché que la bécane perdait toute sa puissance. Exactement comme si on avait greffé une paire de pédales sur un 15 tonnes. Te fatigue pas, disait Camo. Elle n'obéit qu'à moi. Ce môme est fort comme deux turcs, disait Pop. Un des derniers soirs, je lui demandai. Et ta peur, Camo ? Quelle peur ? Ta phobie du vélo, ta peur sacrée ? Il réfléchit un moment et dit. C'est comme un rêve que j'aurais oublié. Un peu plus tard, il dit. Tu sais, le grand Lantier ? Oui ? Eh bien, je crois qu'il est moins con qu'il en a l'air. Il laissa passer un bon moment avant d'ajouter. La nécessité nous fait vraiment faire des choses extraordinaires. Là, je rigolais doucement. Monter sur un vélo, par exemple. Mais Camo ne riait pas. Oui, monter sur un vélo. Quand quelque chose en nous hurle qu'il ne faut pas le faire. Tu crois au pressentiment, Camo ? Silence. Puis Camo répondit. Si César avait écouté les oracles, il ne se serait pas fait trouer la panse par ses anciens copains. Et encore ? Si Henri II avait obéi à Catherine de Médicis, sa femme, il ne se serait jamais fait dégommer à ce tournoi. Un coup de lance dans l'œil. Oui, ressorti par l'oreille. Des airs pour mourir. Il a pas dû rigoler. Tu parles. Quand j'y repense, elles étaient vraiment chouettes, ces discussions nocturnes. En tout cas, dit Camo, mes pressentiments à moi ne se sont pas réalisés. On entendit le cri d'une chouette au loin et le ronflement d'un moteur qui montait de la vallée. Quand est-ce qu'elle te rappellera, ta mère ? Pas avant un mois. Si longtemps ? Elle aime avoir l'esprit libre quand elle voyage. Il n'y avait plus aucun reproche dans sa voix. Toujours cette même admiration quand il parlait de sa mère. Camo ? Oui ? Qu'est-ce que tu voulais dire l'autre jour quand tu disais que ton arrière-grand-père, l'autre Camo, avait déjà voulu reconstruire le monde et que le résultat n'était pas si terrible que ça ? La révolution, répondit Camo. La révolution russe. C'était un révolutionnaire. Une espèce de Robin des Bois au service de la révolution. Il y eut un long silence, puis Camo dit encore. C'est ce qui les a séparés avec Mélissé l'abeille. Pourquoi ? Elle ne partageait pas ses idées ? Non, ce n'est pas ça. Cette chouette dont le ululement se rapprochait faisait toujours son nid chez nous à la fin des vacances de Pâques, la veille de notre départ. C'est autre chose, dit Camo. Je crois qu'il n'y a pas assez de place pour deux passions dans le cœur d'un révolutionnaire. Et longtemps après, dans la nuit, je l'entendis murmurer. Il aurait dû choisir Mélissé. Vous venez d'écouter le premier épisode de L'évasion de Camo, un livre de Daniel Pénac édité chez Folio Junior. Camo, c'est le meilleur des amis, le copain dont tu rêves. On voudrait l'avoir pour frère. Il est imprévisible, délirant, génial. Irrésistible.